بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est toujours dans le sous-chapitre lié à l'explication de la description de la prière. Et c'est d'ailleurs le dernier cours, Inch'Allah ta'ala, sur ce sous-chapitre. La semaine prochaine, on commence un nouveau sous-chapitre, Inch'Allah ta'ala. فيقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Et donc selon عبد الله بن مالك بن بحينة, que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il priait, il écartait ses bras. Ici, Al-Yed, ce qui est voulu, on a déjà vu que le mot Al-Yed dans la langue arabe peut être utilisé pour plusieurs termes. Chez nous, en français, donc Al-Yed, la paume des mains. Et on a aussi Al-Yed jusqu'au coude. Et on a Al-Yed, donc tout le bras. Et donc ici, ce qui est voulu par le mot Al-Yed, c'est les bras. Le prophète, il écartait ses bras lors de la prosternation jusqu'à ce que la blancheur de ses aisselles apparaisse. La blancheur de ses aisselles, car il n'avait pas de poils sous les aisselles, sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha al-hadith sunniyatu ibaad al-aydi an al-jasad fi sujud. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé d'écarter les bras du corps lors de la prosternation. Wa qad dhakara al-ulama anna hadhihi al-hay'a fiha idhar an-nashat wal-quwwa fi al-ibadah. Khilafan lil kasal. Et donc, les savants, ils ont cité que dans cette position, il y a une mise en évidence du caractère actif et de la force, donc, de l'adorateur lorsqu'il fait son acte d'adoration. Contrairement à la fainéantise, ils disent Khilafan liman yasjudu wa huwa ka kaman yuridu an-nawm 'ala al-ard. Ils disent contrairement à celui qui se prosterne et il est semblable à celui qui veut dormir par terre. Et donc, ils disent donc le fait d'écarter les bras, ça montre aussi le fait que le serviteur, il est actif et qu'il aime faire, cet acte d'adoration. Il y a en cela un allègement pour le visage. Parce que ce n'est pas tout le poids du corps qui va être sur le visage, mais là, en ayant les bras écartés, le poids va être mieux réparti. Wa zakaru ilalan ukhra. Et les savants, ils ont cité donc d'autres raisons pour cela. Wa hadhihi sunna waradat fi ahadith kathira. Et cette sunna, elle a certes été rapportée dans plusieurs ahadith. Wa zakara ba'd al ulama anna al mar'a la tub'idu aydiyaha 'an jasadiha fi as-salat fi as-sujud. Certains savants, ils ont dit que la femme, par contre, elle ne va pas écarter ses bras de son corps lors de la prosternation. Pourquoi ? لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَرْأَةِ التَّسَتُّرُ. Car la base chez la femme, c'est que elle doit se couvrir et se cacher des regards des gens. فَإِذَنْ لَوْ أَبْعَدَتْ أَيْدِيَهَا عَنْ جَسَدِهَا قَدْ يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَسِنِهَا. Et donc cette femme, si elle écarte ses bras de son corps, il se peut que apparaisse quelque chose de ses formes ou donc des atouts de cette femme. Et donc, voilà pourquoi les savants, certains savants, ont dit que la femme ne va pas faire cette sunna. Wa fassala ba'd al-ulama. Et d'autres savants, ils ont détaillé. Faqalu al-aslu fi an-nusus ash-shar'iyya. Ils ont dit la base concernant les textes de la législation, c'est qu'ils englobent les hommes et les femmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال النِّسَاء إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit certes, les femmes sont semblables aux hommes. فَالْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ أَنَّهَا تَشْمَلُ الْجِنْسَيْنِ illa in jaa'a dalilun yadullu 'ala ikhtisasi ahadul jins 'ala ikhtisasi ahadil jinsayn duna al-akhar. Et donc, la base dans les, concernant les textes de la législation, c'est qu'ils englobent les deux genres, le genre féminin et le genre masculin. Sauf s'il y a une preuve qui vient montrer que ce sujet concerne spécifiquement un genre et non pas l'autre. Donc, un genre masculin ou le genre féminin. Idan tafrijul aidi fi sujud sunnatun lirijali wan nisa khassatan law kanat almar'atu tusalli fi makanin ta'manu fihi min nadhar alrijali ilayha kama an tusalli fi ghurfatiha wa ma ila dhalik. Et donc le fait que on éloigne les bras du corps durant la prosternation, ceci est une sunna pour les hommes et les femmes. Et la femme particulièrement lorsqu'elle prie dans un endroit où elle est préservée du regard des étrangers, des hommes étrangers. Comme lorsqu'elle va prier chez elle ou autre. Wa in khafat law sallat fi makan fihi murur ar-rijal wa khafat an yadhhara shay'un min mahasinha fa laha an tatruka hadhihi sunnah. Et donc la femme, si elle a peur, si elle prie dans un endroit où il y a des hommes qui passent et elle a peur donc que donc ses atouts soient mis en évidence si elle écarte ses bras, alors il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal ici à ce qu'elle délaisse cette sunnah, à ce qu'elle délaisse cet acte. Inch'Allah ta'ala. Et bien entendu, tout ce que j'ai cité ici, ça concerne donc la personne qui ne va pas déranger les autres. Qui ne va pas déranger les autres. Parce que certains, donc ils entendent que c'est la sunnah, le fait d'écarter les bras, et pendant la prière, dans les rangs, lorsqu'on va être serré, ils vont aussi écarter les bras, sans se préoccuper du fait que ben, son bras il est dans le visage de son frère. Ou que son frère, il va peut-être mettre un coup à son frère, ou autre. Si tu vois que vous êtes serré dans les rangs, à ce moment-là, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Par contre, lorsque tu es tout seul, ou que tu es imam, ou autre, oui, là, tu peux bien écarter. Mais lorsque tu es dans les rangs, on est serré parfois, alors tu t'adaptes. Tu ne vas pas faire en sorte à ce que tes bras soient collés au visage de ton frère ou autre, etc. Parce que tu veux donc appliquer une sunna sans prendre compte du fait, sans tenir compte du fait que tu déranges tes frères à côté. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. Ensuite, l'auteur il nous dit, selon Abi Maslamah, Saïd ibn Yazid, qui dit, j'ai demandé à Anas ibn Malik, radiallahu anhu, est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait avec ses sandales? Il a répondu, نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة في النعلين وهو مستحب. Il y a dans ce hadith le fait, le caractère, la licéité quant au fait de prier avec les sandales. Et cet acte-là est recommandé, le fait de prier avec les sandales. أخرج أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما قذرا فليمسحه. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée alors qu'il retourne ses sandales et s'il y voit une impureté, alors qu'il l'essuie. Alors qu'il l'essuie, wal yusalli fihima, et qu'il prie avec ses sandales. Wa kadhalika an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, idha salla ahadukum falyakhla' 'alayhi. La, idha salla ahadukum fa khala' 'alayhi, fala yu'dhi bihima ahadan, wal yaj'alhuma bayna rijlayhi aw liyusalli fihima. Et aussi, toujours dans Sunan Abi Daoud, selon Abi Hurairah, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque l'un d'entre vous, il prie, alors, et qu'il a retiré ses sandales, alors qu'il ne fasse de tort à quiconque. il met ses sandales entre ses deux pieds, ou alors il prie avec ses sandales. Et donc il est recommandé donc de prier avec les sandales durant la prière. ولا شك أن المرء لو دخل المسجد الآن في نعليه لا شك أنه قد يترك آثارا على الأرض لأن المساجد الآن فيها السجادات. Il n'y a nul doute que la personne, si aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle rentre dans la mosquée avec ses sandales, il se peut qu'elle va laisser des traces sur le sol qui vont être peut-être difficiles à retirer et abîmer le sol. Pourquoi? Parce que le sol des mosquées aujourd'hui est fait avec, donc le sol est couvert de tapis. Le sol des mosquées est couvert de tapis. فَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فِي نَعْلَيْهِ فَهَذَا حَسَنٌ. Et donc si la personne prie à la maison avec ses sandales, alors ceci est bien. Ceci est bien. Mais à la mosquée, donc on va faire donc plus de tort qu'autre chose en faisant cela, parce que le tapis, vous savez, ça coûte cher. On ne va pas recommander des tapis chaque année parce qu'on les a abîmés à chaque fois avec les chaussures. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite l'auteur il nous dit عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. Ensuite, l'auteur, il nous cite donc le hadith selon Abi Qatada al-Ansari, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, portait Umama. Umama, la fille de Zaynab, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Umama, qui était donc la fille de Zaynab, mais aussi la fille de Abi al-As. Donc, son père, c'était Abu al-As ibn al-Rabi'a, ibn Abdi Shams. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, il la posait. Il posait donc la petite. Et lorsqu'il se levait, il la prenait, il la portait. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha al-hadith, mashru'iyyatu hamli al-atfal fi salat. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est légiféré de porter les enfants durant la prière. Wa anna al-harakat allati lil-haja la tubtilu salat. Et que les différents mouvements que l'on va accomplir pour un certain besoin, une certaine nécessité, ces mouvements-là ne vont pas annuler la prière. On a déjà vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a avancé durant la prière, il a ouvert une porte. C'est déjà arrivé donc qu'il soit sur le mimbar, il descend et il monte pour montrer à ses compagnons comment il prie, etc. Et donc, si ces actes sont faits pour une nécessité, pour un besoin, cela ne va pas annuler la prière. وكذلك يؤخذ من الحديث جواز إدخال الأولاد الأطفال في المساجد. On comprend aussi de ce hadith qu'il est légiféré, il est permis de laisser entrer les enfants donc dans les mosquées. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم. En ce qui concerne le hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, éloignez vos enfants de vos mosquées. فهذا الحديث ضعيف. Ce hadith est faible. ضعفه جمع من أهل العلم. Il a été rendu faible par beaucoup des gens de science. منهم, parmi eux, il y a Ibn al-Jawzi, Ibn al-Mundir. Il y a aussi Ibn Hajar. Il y a aussi Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres. ثم ذكر المؤلف آخر حديث في الباب. Ensuite l'auteur il nous cite le dernier hadith dans ce sous-chapitre lié à la description de la prière. Il dit donc عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. Et donc selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tenez-vous correctement durant la prosternation et que aucun d'entre vous n'écarte ses bras comme le font ou comme le fait le chien. Comme le fait le chien, le fait de poser les bras au sol. Quand le cheikh ou Al-Najmi, le cheikh, le savant Al-Najmi, il dit dans l'explication de ce hadith, il y a dans ce hadith le caractère obligatoire de se tenir correctement durant la prosternation. Il nous dit ce qui est voulu par le fait de se tenir correctement, c'est le fait de se positionner de la façon dont la législation nous a demandé. Ce n'est pas comme toi tu penses, ou comme un tel pense, ou Abdul Karim il pense qu'il faut être comme ça. Non. On regarde donc dans les textes de la législation. Fin de citation. Wa fil hadith, an-nahyu an bastil yadayn in bisat al-kalb. Il y a dans ce hadith aussi donc le fait qu'il est interdit d'étendre les bras comme le font les bêtes féroces ou le chien, comme c'est cité ici dans ce hadith. On a déjà abordé ce sujet, on a déjà détaillé. C'était au début de ce sous-chapitre, au tout début. Et on avait déjà vu un autre hadith qui avait la même signification que celui-ci. Donc on va se suffire de ce qui a été cité précédemment. وَالْأُسْبُوعَ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَدْخُلُوا فِي بَابٍ جَدِيدٍ بَابٍ وُجُوبِ الطَّمَأْنِينَةِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي السُّجُودِ Excusez-moi, فِي السُّجُودِ. Et donc la semaine prochaine, on abordera un nouveau chapitre, le chapitre lié à l'obligation donc d'avoir at-tama'nina, l'apaisement durant la prosternation. Inch'Allah ta'ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.